Écoutez. Bonsoir, ma chérie. Ça va? Ça va. Tes enfants ne te manquent pas? Non. Je trouve toujours quelque chose à faire. Valérie a téléphoné. Ils ont fait bon voyage et sont arrivés sans problème jeudi soir. Fait-il beau en Bretagne? Sans doute. Ils se sont déjà baignés et Olivier a pris du poisson. Les Vincent sont-ils arrivés? Valérie n'a pas parlé d'eux. D'habitude, ils arrivent aux environs du 1er juillet. Donc leurs vacances s'annoncent bien. Absolument. Tant mieux. Et toi, quand penses-tu partir? J'hésite. Je ne veux pas te laisser seule un mois. Tu es gentille, mais toi aussi tu as besoin de vacances et tu as sans doute envie d'être un peu dans ta maison. Si tu veux, je peux attendre jusqu'au 14 juillet. Après, il te reste un week-end à passer seul. D'accord, c'est une bonne solution.